de vos cheveux roux, mon cœur s'est brûlé d'un coup. Il y avait de si jolis reflets dans le flot de ce chignon, des fées que moi je suis devenu fou. J'ai embrassé votre cou et laissé courir mes lèvres le long de vos cheveux roux. Le chant de votre voix chaude, vos yeux couleur d'émeraude, m'ont fait découvrir depuis ce jour tout l'enchantement d'un grand amour. On ne m'a pas prié beaucoup pour me mettre à vos genoux, et mon cœur brûlant me pousse le long de vos cheveux roux. Mettre la corde au cou, c'est une corde si douce, faite de vos cheveux roux.